Docteur Njef Njadile Teta Dondouze, Mama Thérèse Mpala, Malko Kakila, Paolo de Souza, Papa Joseph Wemambolo, Refem Koye, Judith Esale, Patrick Tchonga. Présence à moi, tu connais bon moi, la Kamakala. Affectionné, comme ça, amoureuse. Ma tendresse, il m'a mis chez la Gomona. Sokae, qu'on disparaître, l'amour. Que disparaître, les états. Avec sa mine, il n'est pas pauvre. Souci, le col à mon coco, l'ima, sa mamaï. Soke, le qui, quitti, au colis, inzete. Y'a bambou, ma barre, Bakui abangwase, grâce à Tamboya, moto alane na sele akwea kateu. Naite moya maka misile tetanjabi otindiki nai, na libula basusi na ba deception. Na mote mesa isanse nae, na komosika monamu. Fredi Tirokatima, Edo Kambela. Nime tetanguli libanga na plaza loso. Sanya boli mweto na basembize Lelo mashari kolo bizelo Matama ya mototu epeza kilo ya balakme Mami odia ilunga tangelo Jadi leteka Ralfa ngindu lue mimbangwe Esirtu kindu mamo bali bae barangwa na kemateo Ata la titro pese to tarase Nzoka chukuma monene na butu Wala tichu na baby mwana malamu La parence kompeze Nyaswe nina kawolo te Jadine tetaje Vanya Aisla, Kriki Nama Edo Tsota, Dresor de Lumbwe Motema nangai Jadine tetaje Kadeke na biso Kukwa chimatesa Bolingo nangai Opese faya moto akusu Aloko ta avoka emae Virginia Amarula. Absence à mon nom, et c'est compliqué. Na vila ngai, jadi le teta, papa na kenaya, jadi, jeni, jadi. Sylvie, il m'a le londra. Prestin, comme la ville, sambo. Oli le tiakami, sokokoso, kasimato, yiteo. De mes époux de l'armée, pomo, te me bungisi. Absence à mon nom, oh oh, tangola. Et si tu ke, et de panakana, oh, chasang moutoale. Comme boss H. Mimi je m'entingo. Pati koka moi, pourquoi les opérés? Nasa président Kasia Bolimoteo. Nasa penaba sentiment oya soto. Chirigo la papa na Myron. Charlie la pacha. Tu liste à pile la kina concert. Bomona yé yo mati boni mueve tie. L'amour. Et comme Abeleman, opérateur économique. La communauté malibana, on a koyo kabasangoe. Pardon, Matiki Oba. Pourquoi yo salibomo? Pourquoi tu m'as fait ça? Les têtes jadis. Pourquoi tu m'as fait ça? Miserme, soko tchema na chono fort, bade na na wongi brefe. Kana dire na boli mono, moko kutana na bambanda. Babotana mbala moko, kasina na lipisa ya mbala sa. Landi metodila Abramovic. Va débloquer contre pour la main, va tirer les trésors cachés. Aïe, on a son coup pas pauvre, on va se donner la volée mon âme. Eliane Smith, les chapindis. Falsouri Ayema, Salasima, son ramoto. Aussi volé mon âme, pour que ce paya, pour ta poussou. Alors, quand ta voix cae, cae. Pourquoi tu m'as fait ça? Monte mon âme, j'ai dit. Pourquoi tu m'as fait ça? Bemba, Docteur Papi Okai. Trésor de Lombo. Et comme on s'appelle les touchés, pourquoi tu m'as fait ça? Papi Sebe, Adolphe Kabongo. Yada Dangwaba dans les patriarches. Qui dira la Brésilienne, Marie-Thon Mila, pourquoi tout ça? Jonas Omiga. Président Olangé, Papa na Eva. Chris. Awaza Junior, Watemi Cléopâtre Abrazaville, Berato Prince des Amours d'Afisson, quel est le général? Manix Chipuki, Cash Manik, Freddy Nogola Irlandais, Fanny Star, double et tout au Tibolaï.